Tu me vires tout ça, et tu me vois pas tout en blanc. Allô? Viens vite, je t'envoie l'adresse tout de suite. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, les aime pas les putes comme les decks. Et quand dans l'eau tu tombes, personne y plonge. Y'a trop de suceurs de buzz, en vrai les mecs. J'aimerais partir d'ici, prendre les rats avec moi. Mais Jackie sneak entre eux, alors imagine avec moi. Va changer toutes les années, moi je fais comme je peux la famille. C'est la S que sur famille, moi pour de ça, ça m'a fané. Obligado de touquer, 6-9 et c'est ça la team. Pas de compte en banque, pas de sa scène. Pas grave, cache-la bien la prime. Au studio de la semaine et le week-end, message acte au quotidien. J'm'envole pour l'américaine, même pas samedi, profite bien. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, les aime pas les putes comme les decks. Et quand dans l'eau tu tombes, personne y plonge. Y'a trop de suceurs de buzz, en vrai les mecs. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, les aime pas les putes comme les decks. Et quand dans l'eau tu tombes, personne y plonge. Y'a trop de suceurs de buzz, en vrai les mecs. 3 piges dans la musique, 25 ans que c'est trop la zone. Longtemps je côtoie les filles, elles veulent tes sous, pas le corazon. Ça se baisse normal, ça se tape la bise. Moi qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je les vois pas se faire à l'idée qu'au sourire malgré qu'il y a la crise. Rester postiché l'hiver, très loin des cartes cellulaires. Pensez à tous ces mineurs qui s'en sortent seuls sans leur mère. Tous éduqués à la dure, l'air des sloubi à coups de ceinture. C'est pas fastoche quand c'est faux, l'amour c'est beau quand ça dure. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, les aime pas les putes comme les decks. Et quand dans l'eau tu tombes, personne y plonge. Y'a trop de suceurs de buzz, en vrai les mecs. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, les aime pas les putes.